tard dans le soir. Tu venais d'un ailleurs, très au-delà de l'ouest. Et moi j'avais connu les couleurs de l'est. On s'est raconté tous les chagrins de nos vies, toutes les joies faisant la paix dans ce monde si petit. Et au petit matin, on repartait au loin. Chacun pensait alors au voyage de demain. Peut-être un jour encore, je te reverrai. Peut-être là où ma route se sera arrêtée. Et un soleil d'inni brillera sur nos yeux. Et un instant encore, on dira que le monde est à nous deux. Ressemblant à des yeux, à des lèvres amères. Je déchirais mon corps pour franchir la souffrance de chaque rire de coke au bord de chaque transe. J'ai reconnu mes yeux remplis de folie pure. Quelquefois j'ai nié qu'il y avait un futur. Mais dans ces moments-là, je repensais à toi, et dans ma solitude, je te parlais tout bas. Peut-être un jour encore, je te rêverai. Peut-être là où ma route se sera coupée, et une lune tiède crèvera ma froideur. Ton visage incertain dans ma mémoire fragile a laissé la marque de cette nuit futile. C'était juste un passant, une aurore lointaine, rencontrant le passant d'un crépuscule sans chaîne. Et là où on s'est croisé, le monde a retenti de cet écho brisé par la force de nos cris, qui n'était que murmure pour la pluie et le vent, mais qui m'ont réchauffé encore longtemps. Peut-être un jour encore,